amant de 20 ans, c'est trop charmant. Un amant de 20 ans, mesdames, profitez-en, car un amant de 20 ans, ça ne dure pas longtemps. Dans son petit cœur, il y a un jardin semé de tendresse. Au bout de ses doigts, il y a des rubans porteurs de caresses. Il fait l'amour comme la fête, vous confondez la nuit le jour. Il fait l'amour comme la fête, votre lit devient une guinguette. Un amant de 30 ans, mesdames, attention. Un amant de 30 ans, c'est ennuyant. Un amant de 30 ans, mesdames, méfiez-vous-en, car un amant de 30 ans, c'est bien trop séduisant. Au fond de son cœur, il y a des grands vents chanteurs de promesses. Au bout de ses doigts, il y a des grands ponts déchireurs de tendresse. Il fait l'amour comme un discours, vous n'attendez plus que le jour. Il fait l'amour comme un discours, persuadé de ses atouts. Un amant de 40 ans, mesdames, évitez donc. Un amant de 40 ans, c'est bedonnant. Un amant de 40 ans, mettez-le en attente, car un amant de 40 ans, c'est bien trop attachant. Au fond de son cœur, il y a une maison morte sans fenêtre. Au bout de ses doigts, il y a des regrets qu'il repeint en vert. Il fait l'amour à la sauvette, toute seule vous terminez vos nuits. Il fait l'amour à la sauvette, repart retrouver ses ennuis. Mais un amant de 20 ans, mesdames, essayez donc. Un amant de 20 ans, ouh, c'est trop charmant. Un amant de 20 ans, mesdames, profitez.